Ce samedi, on reçoit à la clé trois jeunes femmes pétillantes, les Chiclettes, qui vont venir nous présenter leur spectacle Hollywood. On reçoit Nathalie Nadon, une des trois Chiclettes. Salut Nathalie! Bonjour! Ça va bien? Ça va très bien. Je voulais savoir, qui sont Julie Kim, Geneviève et Nathalie pour les gens qui vous connaissent pas? Pour les gens qui ne nous connaissent pas, on est un trio vocal de Toronto qui s'appelle les Chiclettes. Mais pour s'assurer que tout le monde est bien mêlé, là, les Chiclettes, c'est nos alter-ego. Donc, c'est Huguette, Vivi et Simone qui, elles, sont originaires de Wawa en Ontario dans les années 40. D'où part l'aventure des Chiclettes? C'est quoi le début de ça? Et le début de ça, c'est en 2009. C'est Contact Ontarois, qui est, pour les auditeurs qui ne connaissent pas ça, c'est un grand événement de promotion de spectacles, d'achat de spectacles qui se tient à chaque année à Ottawa. Et donc, nous, on présente une vitrine, donc un showcase d'une vingtaine de minutes. Et là, c'est la folie furieuse. Même nous, on ne s'attendait pas à ça. Et on s'est retrouvés à gagner plein de prix, dont le fameux prix coup de foudre Réseau Ontario. Réseau Ontario, qui est le réseau de spectacles en Ontario. Il y a à peu près 25 diffuseurs à travers la province. Et donc, on s'est ramassé à faire le tour de la province avec notre spectacle. Et là, on est allé en Alberta, on est allé en Saskatchewan. En tout cas, nomme-moi... C'est plus facile de nommer les provinces et les villes où on n'est pas allé depuis presque 10 ans. Faut donner aussi crédit à Sylvia Bernard qui nous amène des artistes de qualité ici à Penetangue à la clé. En fait, Sylvia Bernard qui là je vais me tromper dans son titre, là, mais moi je l'appelle la grande gourou de la clé de la bise, faire tout ça, ces projets-là, offre le spectacle gratuitement. Mais ce qu'elle me disait, c'est que pour s'assurer de pouvoir rentrer, parce que la clé de la baie, c'est pas le centre Bell, je veux dire, il y a quand même des places limitées. Il faut vraiment que les gens fassent leur réservation. Ils peuvent aller en ligne là sur probablement sur le site de la clé de la baie et juste dire je veux mes deux billets gratuits. C'est juste qu'au moins ils vont être assurés d'une place parce que évidemment là tout le monde va se garocher pour venir voir notre show. Donc je voudrais vraiment m'assurer qu'on ait le nombre de chaises maximales pour tout le monde qui va venir fêter. Parce que c'est quand même la Saint-Jean. Oui. La Saint-Jean, là, c'est un party quand même. Mais il faut dire que présentement, ici, sur la rue Maine, ils sont en train de faire des rénovations. Il y a une grosse pelle mécanique. Probablement, s'il y a trop de gens, on peut probablement prendre la pelle et ouvrir un mur. Moi, ça me gêne pas d'ouvrir un mur à clé. Il n'y a pas de problème. Non, mais sérieusement, c'est une super belle salle. Puis je le sais, ils ont fait des mises à jour dans la salle. C'est notre directeur technique des Chiclettes qui va être avec nous samedi qui a aidé à faire les nouvelles installations techniques dans la salle. Donc ça, c'est le fun. Fait que Dan, il connaît super bien l'endroit. Fait que c'est sûr que ça va bien sonner. Puis en plus que c'est la Saint-Jean, puis qu'on va célébrer en français, puis ça va être bien drôle parce que les Chiclettes, on est aussi très comiques, là. C'est pas pour me vanter, mais on est très drôle. Ça donne en plus que c'est le 40e anniversaire de notre contrebassiste. Évidemment, il ne nous écoute pas, là, il est à Toronto, puis c'est un Anglais, là. Mais j'ai fait faire un gros gâteau de fête, puis tout le monde dans l'assistance va pouvoir manger ce gâteau à la fin du spectacle, on va pouvoir célébrer. Donc, je pense que ça va être vraiment une belle soirée, là. La Saint-Jean, la fête à Montbas, en contrebassiste, les Chiclettes, on va danser, on va chanter. Franchement, là, si les gens n'ont pas encore vu les Chiclettes, ça manque à votre existence. Puis si vous nous avez vus, ben vous savez comment gagner des bonnes, fait que revenez nous voir, ça va nous faire plaisir. Nathalie Nadon, comme tu disais, vous jouez de la musique de cabaret des années 40. Qu'est-ce qu'ils vont jouer dans ce style-là? Bien, en fait, ce qu'on s'est rendu compte au tout début, quand Julie Kim, Geneviève et moi, on a commencé à travailler ensemble, c'est que c'était le point central notre œuvre artistique, pas ça, mais c'est ce qui, musicalement, artistiquement, nous rejoignait toutes les trois. C'est-à-dire que moi, j'étais déjà allée à la Clé de la Baie faire un spectacle jazz comme artiste solo. Moi, je faisais déjà du cabaret, je faisais déjà du jazz de ces années-là. Geneviève, parallèlement à sa carrière de danseuse, à sa carrière de prof d'art dramatique, elle aussi faisait déjà dans la chanson française cabaret. Puis Julie Kim, qui est une chanteuse jazz, même si là, elle a son nouvel album maintenant, qui est plus soul, funk, au début de sa carrière, elle faisait beaucoup de jazz. Fait que c'est ce point central-là qui nous a rassemblés. Fait que ça s'est comme imposé de soi qu'on fasse des chansons de cette époque-là. Je regarde ça. Si ma blonde me traîne là samedi, puis moi, ça me tente pas trop, là, à quoi je vais m'attendre pour sortir avec le sourire? Ouais, là, c'est sûr que les gens vont dire « Ah, les Chiclettes, c'est trois filles, fait que c'est un show de filles. » Hein, ils vont se dire, ah, c'est souvent, c'est vrai, on fait souvent des événements pour les femmes, parce que c'est vrai, on est trois filles, on parle d'affaires. Mais sérieusement, la femme, c'est le talent, c'est l'intelligence, c'est la beauté. Donc, c'est sûr que catégorie beauté, les hommes, ils s'ennuient pas. Hein? Faut connaître ses forces. Puis moi, je te dis, tu t'ennuieras pas. Deuxièmement, je te dis, on est vraiment drôle, tu vas trouver la face, je te le garantis. C'est sûr, c'est sûr. Et à la fin du spectacle, on fait toujours un petit cours de comédie musicale avec le public parce que on trouve que tout le monde devrait savoir comment danser un petit brin dans leur voiture ou au gym. Puis moi, je suis sûre que tu vas être le premier à te lever pour faire le petit cours de comédie musicale. Ben moi, je me dis que si j'ai à avoir de la fou, pourquoi pas y aller directement? Hey, pourquoi pas avoir les fous avec tes chiclettes? Dis-toi, tu peux pas avoir plus l'air. Exact. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est vrai, les gens qui se disent « Ah, ma blonde, elle me traîne là, ou ma femme, ou whatever », pour les hommes, je dirais non. Sérieusement, à la base, je fais des blagues avec le look, puis oui, c'est vrai, le look, c'est important dans le showbiz, mais je te dirais que c'est surtout le propos qui touche tout le monde, d'aller au bout de ses rêves, de pas lâcher, et il y a toute l'espèce de trame franco-ontarienne, de francophone, qui sont à Hollywood, qui essaient de se démerder en anglais, pardonnez-moi l'expression, et qui des fois qui se font un petit peu passer un savon parce que c'est des francophones. Fait que ça, je pense que ça rejoint n'importe qui en Ontario ou en contexte francophone minoritaire, partout où on passe. C'est sûr qu'il y a une réaction par rapport à ça. Fait que je te dirais, viens avec enthousiasme samedi. Vous avez un public qui vous suit et qui vous aime. J'aime beaucoup notre public. Il est toujours tout dedans. Il est toujours à l'affût de ce qu'on fait. Fait que oui, donc, samedi, à Penetang, j'espère que tout le monde va être là. Là, évidemment, là, pour ceux qui ne nous connaissent pas, il y a une page Facebook, on est sur Twitter. Allez sur YouTube, allez voir notre musique, vous allez voir un peu de quoi il en retourne. Puis de toute façon, là, je le sais, Marc Lalonde, il m'avait dit là, qu'il jouerait des chansons des Chiclettes toute la semaine là, pour vous préparer psychologiquement à notre grand retour. Est-ce qu'il y a un troisième album pour les Chiclettes qui s'en vient? Et c'est quoi aussi vos projets futurs? Hey, ça, tout le monde nous le demande. L'industrie de la musique, ça change, hein. Tout le monde, on en entend parler, là. Les auditeurs, je suis sûre qu'ils en entendent beaucoup parler. Spotify, toutes ces affaires-là. C'est comme pas évident de sortir un autre album. Surtout que nous, le premier album, c'était piano contre basse. On avait un petit peu de guitare. Mais le deuxième album, là, écoute, on avait eu des subventions. On s'est vraiment gâtés. C'était avec un big band. Puis là, on veut pas comme on redescende de ça. C'est-à-dire que si on faisait un troisième album, faudrait que ça sonne autant que le deuxième. Je le sais pas. Je te dirais que sur quoi on travaille en ce moment, oui, on écrit des nouvelles chansons. Ça, c'est sûr. Est-ce que ces nouvelles chansons-là vont se retrouver sur un album? Je le sais pas encore, mais je te garantis qu'on est déjà à travailler sur une nouvelle trame. Où est-ce qu'elles s'en vont, les Chiclettes? Là, elles sont, le premier spectacle, elles étaient à New York. Ensuite, là, on était à Hollywood. Le prochain spectacle, où est-ce qu'on s'en va? On s'est beaucoup fait dire qu'on était comique. Il y a l'humour qui nous intéresse. C'est qu'on se dit, est-ce qu'il y a façon de gager, de pousser le spectacle à ce que peut-être on fasse plus de trucs humoristiques. On a quand même fait deux fois le festival juste pour rire. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire des plus grosses scènes encore? Je le sais pas. C'est comme là où on est rendu dans notre réflexion artistique, je te dirais. Mais pour l'instant, on est à Penetang et cet automne, on s'en va en tournée aux îles Saint-Pierre et Miquelon, les îles françaises qui sont au sud de Terre-Neuve. On s'en va épater les Français là-bas. Fait que, entre-temps, ben, on fait des spectacles, évidemment. On attend plusieurs personnes ce samedi 23 juin, 20h, pour venir voir les Chiclettes au 63 rue Maine à Penetang-Gouéchine. On remercie Nathalie Nadon d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Ça me fait plaisir et puis bonne Saint-Jean à l'avance, puis on se voit samedi. Merci. Au revoir.